Les Yvettes, pas de radio et pas d'insulte de Girard. Et voilà, comme vous venez d'écouter la bande originale du feuilleton Dallas qui passait sur TF1, donc bienvenue sur Fun Radio, c'est les débats de Girard du jeudi, donc il est 0h40, donc c'est Fildar qui vous accueille au 0803 08 5000. Bonsoir. Bonsoir à toi. Merci. Fildar. Ça va, accompagné d'Apolline à côté. Je suis là. À l'arrière, c'est Manu qui vous accompagne en espérant qu'il va nous faire du bon boulot ce soir parce que sinon ça va comme cartonner. Tu connais Gigi, je cartonne. Et www.fr.radio, donc c'est Rigo. Yes. Alors, pour ça, on va accueillir Slip à fromage. Attends, c'est quel débat, Gigi? Débat sur les 35 heures. Voilà, et c'est pas Slip à fromage, c'est Slip à frange. Slip à frange, bonsoir à toi. Donc tu peux me donner la fréquence s'il te plaît? Ouais, salut GG, alors on écoute Fun chez moi sur 117.3.5. 117.3.5. Et ma main dans ta gueule. Ah non, mais je t'assure GG, c'est une... Ben ouais, c'est ça. 117.3.5. C'est ça, c'est 117.3 et tu t'écrases après. Non, okay. Sur tu 5. T'écrases. Et j'invite tous les auditeurs. Tu t'écrases. Bonsoir, merci. Gérard. Bout de gras. Oui, bonsoir Gérard. Bonsoir à toi, donc fréquence Bordeaux s'il te plaît. Oui. Ouais, d'accord. Comment? 90.2 Gérard. Non mais pendant peut-être que tu travailles bien, vite Gérard. Et petite varice. Oui, bonsoir Gérard, bonsoir à tous, bonsoir à toute la Dream Tease. Bonsoir. Bonsoir. La fréquence. Allez. Bonsoir. Sur la fréquence 97,3 FM en mégahertz. 97.3, c'est Poitiers. Oui. Et pince à linge sur Caen. Bonsoir à toi. Bonsoir Gérard. La fréquence? 118. Ok, je te remercie. T'en prie. Voilà. Alors ouais. Donc, premier débat, c'est les 35 heures comme la semaine dernière, on n'a pas pu. Encore? Alors... Non, commencez pas. C'est merde. Celui qui vient de dire commencez pas va commencer à se calmer. Parce que sinon il va dégager tout de suite, je vais pas chercher midi à 14h. Voilà, okay. Gigi, ça va être clair. Okay. T'as toussé, Gigi, t'es malade? Hein? Alors, on refait les débats des 35 heures étant donné que la semaine dernière, il y a eu un petit problème grâce à Fildar. Bravo. Donc on refait les 35 heures, si ça vous plaît, ça vous plaît, si ça vous plaît pas, on c'est vous vire et on prend d'autres auditeurs. Bravo Gérard, quel abus d'autorité. Alors, est-ce que les 35 heures sont acceptées par les extraterrestres? On va demander ça à bout de gras. Les 35 heures acceptées par les extraterrestres? Nouvelle question. Mais il faudrait d'abord les voir, Gérard, les extraterrestres, pour savoir... Je te demande si les 35... D'accord. Ils sont autour de nous. Oui. Eh bien, il faudrait demander à Jean-Pierre pour ça, parce que Jean-Pierre les a vus, lui. Allô? Allô? Oh! Ouais, c'est super bien, c'est génial. Ouais, non, mais pour l'instant, tu vas la fermer, d'accord? Bon. Parce que vous n'avez pas commencé la première question comme ça, sinon j'attaque le deuxième débat et ça va aller vite, moi. Hein. Alors, soit que vous vous calmez tout de suite ou pas. Claire et net. Alors, slip à frange. Ouais, bah écoute, les extraterrestres, s'ils existent, je pense que comme tout le monde, ils subissent le coup des 35 heures, hein, c'est tout. Je pense qu'il n'y a pas de discrimination à faire. Oui, c'est vrai. C'est pour tout le monde. D'accord. C'est pour tout le monde pareil, on est tous dans la même merde, on est tous embarqués dans la même galère. C'est clair. Voilà. T'es au chômage aussi, toi. Oui, bien sûr. Gérard, par contre, on me dit sur Minitel qu'une journée d'extraterrestres, ça ne fait que 3 heures. Donc comment c'est possible qu'ils fassent les 35 heures? Non mais attends, les 35 heures, c'est... on ne sait pas si c'est dans la semaine ou par mois, d'accord? Voilà, ça dépend de la rotation des planètes, c'est tout. Mmh. Ok. Et Gérard, et sur IRC, il y a Davy One, il te dit qu'il a pas de questions pour l'instant. Non bah lui, si c'est pour me sortir des conneries comme il a l'habitude de faire, c'est même pas la peine qu'on l'entende celui-là. Mmh. Petite varice. Mmh. Ouais, bah moi j'ai vu un reportage justement à l'époque où c'était la 5, où Jean-Claude Bourret effectivement disait que les Martiens... faisait 35 heures, tout à fait, ouais. Effectivement. Bien sûr. Mm-hmm. Torred. Ils ont même manifesté. Non, mais ils ont même manifesté sur Petite Varice, t'as besoin de préciser la chaîne que tu regardais? Ok, c'était après la 5 et avant la 6. Bon, alors, Fildar. Après la 4 et avant la 6, pardon. Tu me l'attrapes, lui, tu le calmes. Non, mais j'ai pas précisé. Non, mais je veux pas savoir. Non, mais c'est bon, Gérard. Eh, Fildar, tu fais gaffe. D'accord, tu commences pas. Tu commences bien, tu commences bien. Non, sérieux. Tu lui dis. Une de télé pour non, mais tu la fermes. Tu la fermes. Non, je ferme ma gueule. Tu fermes ta gueule. Bah, alors, si tu la fermes ta gueule, tu vas aller voir Fildar. Donc, je le calme. Alors, maintenant, tu vas la fermer pour de bon ta gueule, tu vas voir Fildar. Ok. Pince à linge. Oui, Gérard. Ben, en fait, c'est les extraterrestres qui ont lancé l'idée. Donc, en fait, on n'est que des copiteurs. Et c'est eux qui ont pensé en premier. Mmh. Non, mais je pense pas, à mon avis, parce que les 35 heures, c'est pas les extraterrestres qui l'ont demandé, c'est le gouvernement, d'accord? Non, mais moi, je te dis que les extraterrestres, ça fait belle lurette qu'ils travaillent que 35 heures et on leur a piqué l'idée, ouais. Qui dit, Gérard, que le gouvernement, c'est pas des extraterrestres qui ont infiltré un petit peu toute la politique, va savoir. Mmh. Non, non, avec mais des ça. Et des... oui, avec ces histoires de complot, maintenant, on peut plus se faire. Non, mais ça, de toute manière, ça a été voté par le gouvernement. Moi, je vais pas revenir là-dessus. La question, elle a été posée la semaine dernière. Je vais pas m'éterniser là-dedans. Mmh. Hein. Sauver les a vus alors qu'il cherchait un raccourci qu'il ne trouvait jamais. Bon, pour l'instant, tu vas la fermer. Il y a d'autres questions qui sont plus importantes que d'écouter les tiennes. Mais il doit convaincre un monde alors tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule et ça vaudra mieux, toi. C'est Polo, pardon. Ouais, bah tu fermes ta gueule, Polo. Et toi, de toute manière, t'es même pas dans les débats. Alors tu vas t'écraser. Merci. Gérard, sur IRC, on a dépassé les 5000. On est quand même 5422. Bravo. Bravo. C'est très fort pour minuit 40. Incroyable. Il y a le chien qui te demande si on pourra toujours trouver midi à 14h avec les 35 heures. Je sais pas, peut-être. Bien sûr. Peut-être. Bien sûr, il suffit d'adapter sa montre, Patrigo. Il faut régler la montre. Tony, tu fermes ta gueule. Il n'y a pas de Tony. Non, presque pas. D'accord, non, presque pas. Gérard, à la queue, excuse-moi, à la place de Petite Varice que j'ai viré, on accueille Jean Bouchon. Allez, hein. Bah oui, tu m'as dit de le virer, moi je l'ai viré. Bonsoir Jean Bouchon, bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent. Salut Jean Bouchon. Merci. Oui. C'est qui? Jean Bouchon, oui. Donc, c'est son prénom, Jean Bouchon. Il est d'où? Il a 27 ans. Ouais. Et il appelle de Pithiviers. Alors, Pithiviers, c'est... Dans le Vercors. Non, dans le 45. Ah, dans le 45, ouais. Tu peux me donner ta fréquence, s'il te plaît? 103.2. Non. Si, c'est ça. 103.2 FM. C'est faux. Non, c'est ça. Dans le département 45, 103.2. Ouais. Ah oui? Ouais. Non, mais il y a deux fréquences. Si, quand même. Ouais, mais je vais contrôler parce que c'est du côté d'Orléans, tout ça. Ouais. Donc, tu veux répondre à la première question ou t'as entendu? Tu peux me la répéter, s'il te plaît, parce que j'ai été hors antenne. Oh non. Bon, alors, est-ce que les 35 heures sont acceptées par les extraterrestres et on s'arrête sur cette question? À mon avis, ouais, étant donné qu'ils sont acceptés par les humains, ouais, donc, ouais, je pense que ouais. Mais ça dépend sur quelle planète c'est, donc je veux dire, ça peut très bien être sur Saturne, tu vois, où c'est des mecs... Non, attends, Jean Bouchon. Ouais, Jean Bouchon. Attends, ouais. Le prochain coup, tu peux encore siffler plus fort pour demander à Manu l'audi? Il n'entend pas. Non, mais il faudrait peut-être arrêter quand les gens ils me parlent au stand, à l'antenne, là. Hein. Excuse-moi. Non, mais quand tu as quelque chose à te demander, tu demandes à Pauline Cassem, va là-bas. Ouais, je vais y aller en cours. Non mais ça veut dire quoi là ce bordel? Gérard, sur IRC, Davy One, il me demande si c'est parce que c'est un débat sur les 35 heures que tu vas le faire chaque semaine jusqu'à ce que ça fasse un débat de 35 heures. Non, c'est un débat que la semaine dernière on aurait dû le faire entièrement, mais vu que Monsieur Fildar a perdu du temps sur la route au lieu d'échanger à porte-maillot, Monsieur a continué sur la Grande Avenue, anciennement les studios qui se trouvaient 143 avenue Charles de Gaulle, donc je suis arrivé en retard. Donc, grâce à Fildar, on est forcé de les refaire. Voilà. Okay. Donc, on va pas les refaire toutes les semaines, loin de là. Okay. C'est la deuxième fois et j'espère que ce sera la dernière fois que je vais les faire. On me dit encore heureux sur Minitel que ce soit pas toutes les semaines les 35 heures. Ouais, ben, sur Minitel, il ferait peut-être mieux de se réveiller sur les questions qu'on pose. Hein. D'accord? D'accord. Genre alors, à votre avis, Jean Bouffon, pardon. Oui. Jean Bouffon. Donc, ouais, pour toi alors. Je te disais, ça dépend des planètes en fait, parce que tu peux très bien habiter sur Mars, mais on sait très bien qu'avec Mars, ça repart. Ouais. S'il vous plaît, derrière, on se calme, s'il vous plaît, merci. On reprend le thème dans le débat. Ouais. Voilà, en fait. Si tu peux habiter sur Saturne, je vois les habitants de Saturne, ils ont tous des cerceaux autour du cul, quoi. Sur Mars. Attends, c'est comment ton nom, toi? C'est comment? Putain, tu me les calmes de là. Alors, tu commences pas le... Tiens, j'ai, en attendant, j'ai... Ouais, mais tu me les donnes. Bah oui, bah tiens. Toi aussi, tu te calmes. Non, parce que. Ouais, ben alors dégage, allez. T'as tout le temps mal à la tête quand c'est moi qui gueule. Alors, Gérard, pour parler d'Apolline, elle est quand même gentille, c'est elle qui t'a récupéré les soins. Ouais, vous abusez là, les mecs, putain, sérieux, mais un peu de calme là, c'est quoi ces bonnes merdes? Alors, 47, alors pour recompter 35 heures, il y a 40% qui répondent pour. Non, parce que, imagine, Gérard parle et toi tu parles en même temps. Donc, c'est inconcevable. Non mais... Bon, t'es pas réglo, merde. Oh ouais. Deux secondes, je parle. Hey, mais t'es non, pas... Mais t'es... T'as ton micro, toi, quand... Merde, je suis en l'antenne. Ouais, oh là là. Oh là là, je sens que les débats, ce soir, ils vont vite se terminer, hein, encore. Donc, Gérard, tes sondages? Alors, les sondages, il y a... Les pour ou contre, il y a 40% qui disent qu'ils sont pour, 30% qui sont contre, 26% qui ne veulent pas en parler... Ça, je pense que c'est sûr. Et 10% préfèrent continuer à boire. Alors, je vois pas du tout le rapport. Je sais pas où qu'elle a été cherchée. Dans le Reader Digest. Mais ouais. quand tu dis 30, combien t'as dit 30% répondent contre. Bah oui, il y en a qui sont pas pour. Bah ouais. Ouais, mais sur la dernière, 10% que préfèrent continuer à boire, je vois pas du tout qui allait été me chercher des sondages comme ça, c'est des sondages de merde encore. Ah. Comme d'habitude, hein. T'as trouvé ça où, Apolline? Dans un livre. Ouais, c'est ça, dans un livre, bien sûr. Alors, à votre avis, est-ce qu'on peut travailler plus avec les 35 heures que les 39 heures? Donc, on récupère Flip à Frange. Ouais. Donc, alors, pour toi? Bah, écoute, moi, je pense que c'est clair. La réponse est contenue dans l'énoncé du problème. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin de préciser. Bien sûr qu'avec 35 heures, on travaille plus qu'avec 39 heures. Je crois que c'est mathématique. Non, attends. Parce que là, non, je crois que là, tu n'as pas très bien compris le sens de la question. J'ai du mal, moi, dans la vie. À votre avis, est-ce que l'on travaillera plus avec les 35 heures que les 39 heures? Bah, oui. Parce qu'avec 39 heures, tu travaillais déjà 4 heures de plus. Donc, tu as des heures supplémentaires, tout ça. Donc, ça te faisait pas 39 heures, mais par exemple 42 ou 43. Ouais. Hein, mais sur les 35 heures, tu feras combien? Parce que savoir, il y a une question. Celui qui renifle comme un bouc derrière, ça m'énerve. Donc, savoir si avec les 35 heures, les heures supplémentaires seront dedans. Forcément qu'il va y avoir du black, il va y avoir du travail au black, c'est tout. C'est tout ce que ça va faire, les 35 heures. Hein. Donc, alors pour toi, slip à frange. Oui. Bah, je te dis, ça va faire du black, ça va créer du black, c'est évident. Je crois que le gouvernement, il aura encore raté son truc, ça va faire du travail au black, et voilà, l'économie, elle va plonger. C'est inévitable. Attendez, on a réussi tout ça. D'accord. Boudgrat, t'attends 5 minutes, il y a une question peut-être. Oui, il y en a plein. Il y a mon voisin Dan qui te demande, en fait, il constate que pour arriver des 39 heures aux 35 heures, ils ont juste retiré les heures déjeuner où on travaillait pas, quoi. C'est dégueulasse, ça. C'est dégueulasse non, qu'ils ont fait. Non, mais même, de toute manière, que ça soit 35 ou 39 heures, de toute manière, c'est vrai que là, il y a une question que je suis en train de me poser aussi. Laquelle? Oh, ta gueule, toi, là-bas. Manu. D'accord. Manu, s'il te plaît. Oui, je t'écoute. Ouais, tu me les coupes. Merci. Non, c'est vrai, la question que tu viens de me poser, Rigo, c'est vrai que là, il y a un problème qui va se poser. Ah ouais. C'est qu'avec les 35 heures, est-ce que l'heure de repas va être décomptée ou va être comprise encore dedans? C'est là la question que tout le monde se pose. On dit 39 heures, c'était avec, et 35, c'est sans. Donc en fait, c'est exactement le même temps. Non, parce que attends, dans les 39 heures, ton heure de repas était comprise. Mais le week-end, tandis que là, tais-toi, toi, pour l'instant. C'est-à-dire que là, dans les 35 heures, savoir si l'heure de repas va être comprise dedans ou pas, c'est là le problème que les patrons maintenant vont se poser, et même nous, employés, est-ce que les heures de repas... Est-ce que l'heure de repas qu'on va prendre, est-ce qu'elle va être comprise? Est-ce qu'on sera payé 35 ou 34 heures? Hey, Gérard. Question à poser à Gérard. Est-ce que l'heure de repas elle va être comprise dans les 35 heures ou non? Bon, attends, alors toi tu fermes ta gueule parce que tu commences à me casser les couilles que je viens de répondre. Alors tu fermes ta gueule, ça vaudra mieux maintenant. Et sur Militel, il y a Pitivier qui demande dans les 35 heures, plus de pause pipi pour se faire enculer dans les chiottes. Alors lui, il va se faire enculer aussi. Ok. Voilà. Donc, bout de gras. Les 35 heures, oui, pourquoi pas, avec des heures sup. Non, mais je te demande, la question, non, mais travaillons plus avec les 35 heures que les 39. Oui, s'il y a des heures sup avec. Mais non, mais je te parle pas des heures supplémentaires. C'est logique, j'essaye d'apporter une logique à ta question. Mais ouais, mais les heures supplémentaires, je n'en parle pas, ouais. Ça va être une question ouais, que bon, je vais... Imagine, tu fais 35 heures, tu fais 39, ouais. Le bonhomme, il te fout des heures sup. Eh ben, t'en feras peut-être plus que 39. Attends, le bonhomme, tu veux dire que le ton patron. Patron... Ouais, ton patron, il fera bosser plus de 35 heures. Je voudrais me faire embaucher, là, dans une librairie. Ouais, ben c'est ça. Alors, dans ces cas-là, pour le bout de gras, tu non, vas avoir... Non, c'est pas méchant. On est tous au chômage, c'est dur. Ouais, ouais, ouais. Là, c'est clair, c'est la dèche, mon vieux. Je me ferais bien embaucher dans une radio, moi. Toi, tu fermes ta gueule pour un cent, merci. Jean Bouchon. Jean Bouchon, une oui, fois. Oui, c'est Bouchon, pas Bouchon, je t'apprête. Non, c'est Bouchon. Les heures supplémentaires, moi je suis d'accord avec ce que vient de dire, je sais plus qui, mais moi je suis tout à fait d'accord. Ouais, Boudra, bah voilà, si t'as des heures supplémentaires, t'en feras largement plus que 35. Ça peut aller jusqu'à 39, 40 ou autre. T'as des diables, j'ai fait l'écho, moi. Non, mais attends. Non, mais la question. Oh, mais arrêtez de faire la mouvement de chaîne. Allez, hop. Oh, putain, tu m'as. Coupe ta chaîne, là. Ah, vas-y, ils disent oui, oui. Non, mais j'en ai ras le bol. Oh, non. Ils jouaient pas. Oh, allez, hop, ça commence. Non. Ça commence, là. Ça commence. Je les calme, Gigi. Ça va, tu vas les calmer, mais vite fait. Oui, là, vas-y. Vite fait, bien fait. Vas-y, Gérard. Tu as morflé, toi. Gérard. Parce que ça, c'est tes questions. Vous piquez des heures dans ma semaine. Gérard, tu m'écoutes ? Sur IRC, il y a Gotips qui te demande en fait, avec le passage aux 35 heures, la pub pendant les films, elle durera combien de temps ? Ben, elle durera 5 minutes, hein, comme d'habitude. Comme d'habitude, on ne pourra pas suivre les films correctement. Ouais, hein. Ça m'étonne. Ben, si, hein, moi, j'ai regardé tout récemment là, un film sur une chaîne, et il y avait une pub. Et la pub a duré 5 minutes, et après, le film il est reparti, on ne comprenait pas du tout ce qu'il disait. Voilà. Pince à linge pour terminer la question. Bah moi je suis tout à fait de l'avis des autres auditeurs. Et des mâles. Des mâles. Oui. Comme quoi on va travailler plus et on va faire encore plus d'heures supplémentaires. Non mais les heures supplémentaires, la question, si c'est vrai que en fin de compte c'est Pildar qui a trouvé cette question là. Non mais elle est complètement con parce que regarde la 2 rejoint la 9. À votre avis, est-ce qu'on travaillera plus avec les 35 heures que les 39 heures? Et la question numéro 9, c'est pourra-t-on faire des heures supplémentaires avec les 35 heures? Pareil. Donc, ça revient au même, je suis désolé. Alors, ta question, elle est nulle. Voilà, elle est zéro. Oh là là. Un gros zéro pour toi. Un gros zéro sur ta question. Gérard. Et en plus, que tu me dis que c'est avec Max que tu l'as travaillé, c'est faux. C'est toi qui as été la chercher. Mais c'est toi qui as été la chercher, c'est pas Max. Oui. Parce que Max, il n'était pas dans le bureau quand tu m'as appelé. J'ai trouvé ça dans le quiz. Ouais, mais t'es un menteur. Oui. Alors viens pas mettre ça sur le dos de Max, ok? Mais ça sur mon dos? Ouais, il m'a appelé, il m'a dit qu'avec les quatre questions, vu qu'on avait posé quatre questions la semaine dernière sur les 35 heures, exact. Celle-là m'a dit que c'est les quatre questions qu'on a, c'est avec toi qui les a vues. Non. Alors que c'est faux, parce que là, la 2 revient à la 9. Donc alors maintenant, la 2 plus la 9, donc pourra-t-on faire des heures supplémentaires avec les 35 heures, ça revient avec la 2. Alors voilà, maintenant tout le monde a répondu, donc la 9, je peux plus la poser. Eh merde. Et voilà, bravo Pizarre. Bravo connard. Tu portes bien ton nom, connard. Voilà, t'es qu'un pauvre con, t'es qu'une tâche. C'est tout, c'est pas à mettre tes doigts là. Qu'il a envie de... Bon Gérard, pour calmer le débat, je voulais juste préciser aux gens de l'IRC que Gérard ne fera pas 35 heures de débat par semaine. Ah bah non, pourquoi déjà 3 heures, pourquoi ça suffit. Ta gueule, toi. Vu quand tu travailles et vu ce que tu me donnes comme question, ça sert à rien du tout. C'est faux. Alors, est-ce que les femmes travailleront 35 heures ou pas? Merci pour celui qui vient de couper. Alors, on va demander... Moi, je suis pas mariée avec lui. Oh là là là là là là là, Manu! C'est quoi le vieux bruit de cassette? C'est quoi cette boîte de Manu! Un conseil que je te donne! Vas-y, donne-le, je sais pas si je le prends. Un conseil que je te donne, évite de me passer les trucs avec Christine! Ok. C'est une bombe sexuelle, la voix. Il joue pas! Ouais, alors, tu sais ce que tu vas faire? Mais tu vois bien que c'est pas moi, là, Gérard. Tu vas retirer ta merde! Mais c'est pas parce moi. Parce que là, ça commence à bien faire toutes les semaines! C'est pas moi, Gérard. Alors, vous faites du boulot correctement ou pas du tout? Je peux rien faire, Gérard, c'est pas moi. Ouais, bah vous allez voir si c'est pas vous. Hein, parce que je commence à avoir ras-le-bol toutes les semaines d'entendre ça. Alors, est-ce que les femmes travaillent 35 heures ou pas? On va demander à Slip à Frange. Bravo Manu! Il est là. Je suis revenu, j'étais perdu. Bravo Manu, hein! Non, c'est pas toi! C'est toi qui mets les auditeurs à l'antenne, hein! Alors bravo Manu! Encore! Merci! Alors Slip à Frange! Non, c'est quoi la question? Est-ce que les pétasses. Non! Comment? On est hors antenne, GG, c'est les pétasses qui travaillent, c'est ça? Alors les pétasses, ça t'emmerde, tu dégages, je veux plus te voir, je veux plus de toi! Je veux plus de toi! Les femmes, c'est pas des pétasses, soit t'es un connard! Alors tu dégages! Tu dégages! J'ai mal entendu, GG! Hop, il dégage. Terminé pour lui. Parce que j'ai mal entendu, mon ami. Non, je veux pas le savoir. Bon, alors je vais répondre. Non. Regarde, il est gentil, il s'accroche. Non. Hop, terminé. Il a mal compris. Bout de gras. Mais moi, c'est pareil, j'étais en antenne, j'ai pas entendu, Gérard. Alors, est-ce que les femmes travailleront 35 heures ou pas? Plus que 35 heures. Et alors, tu peux préciser? Plus, parce que c'est leur avenir de travailler plus. Ouais, non, mais dans ce cas-là, la question que tout le monde se pose, c'est sûr que... Non, mais c'est vrai qu'il y a des métiers où que les gens travailleront plus de 35 heures. J'en ai fait allusion la semaine dernière sur cette question-là. C'est dans quel métier que les 35 heures... je me souviens plus trop de la question, si quelqu'un pouvait s'en réunir. Ouais, dans quel métier on travaillerait plus de 35 heures? Voilà. Donc, on prend les infirmières, les chauffeurs de taxi, les routiers. C'est pas parce que je veux toujours défendre le métier des routiers. Mais c'est vrai que les routiers font plus de 35 heures dans une semaine. Les infirmières, c'est pareil. Les animateurs radio, c'est pareil. Les agents de sécurité, c'est pareil. C'est faux, les animateurs radio. Non, presque pas. Vas-y. Alors, pour moi, un animateur qui fait pas moins de 35 heures. Le doc. Toi, GG. Le doc, abruti. C'est vrai, en plus. C'est vrai que dans certaines professions, les 35 heures, pour eux, c'est pas bon. Eh, Gérard, t'as déjà eu la goule pendant 35 heures? Et toi, et ta connerie? Tu l'as eu? Alors, en de bon entendeur, salut, toi, pour ce que tu viens de dire. Gérard, à la place de Slip à Frange, on accueille Petite Rondelle. Bonsoir. 97.8, ok. Bon, Gérard, ouais. Avant de reprendre les auditeurs, il y a Kenneda sur l'IRC qui te demande si maintenant on va avoir droit aux 35 heures du Mans. Non, je pense pas. Donc, vous allez réfléchir à la question et on va se retrouver juste après, à moins que... Non, mais on a le temps, là. Non, mais moi, on a le temps, ouais. On va finir la question. Moi, je vais... Bon, alors, bout de gras. Oui, non, j'ai pas entendu, moi. Oh, hey. Oui. Hey, t'as pas entendu, je viens de te prendre juste avant que Rigaud aime quoi. Les bonnes femmes, les 35 heures. Ouais, les bonnes femmes, à ton merde. Et les siennes, à ton merde aussi, toi, espèce de connard. J'ai répondu, moi, Gérard. Alors, là, je vais te dire une chose. J'ai répondu, moi. Ceux qui restent, parce que les nanas, c'est pas des siennes, ok? Exactement. Gégé, je peux répondre? Petite rondelle, tout à fait. Je pense qu'il faut cesser avec toute cette misogynie. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis contre le sexisme parce que c'est vrai que les nanas sont un peu plus flémardes que les mecs. Non, là tu te dis, là tu... Non. Attends, petite rondelle. Moi je vais te dire une chose, les nanas sont pas plus comme tu viens de dire que les mecs. Ça c'est faux. Ça c'est faux. T'es pour la parité homme-femme, toi? Non, mais moi je vais te dire une chose, que les nanas font aussi bien le boulot, hein, qu'un mec. Parce que t'as qu'à voir, petite rondelle, s'il te plaît. Oui. Moi je vais te dire une chose, il y a des nanas qui conduisent des bus, t'en as qui conduisent des camions. Et les mecs qui conduisent des bus et des camions aussi. Et t'as même des nanas qui sont chauffeurs de taxi ou autre. Ouais, mais regarde, qui c'est qui ramène le pain à la maison? C'est quand même l'homme. Regarde, Regarde, on dit vive d'amour et d'eau fraîche, et ben je suis désolé, l'eau fraîche c'est moi qui la ramène et la quéquette aussi, donc voilà. Non, mais attends, la petite rondelle, là je crois que tu vas un peu loin. Bah, parce que de toute manière, quand les deux personnes travaillent, c'est le premier qui arrive qui ramène, qui fait la bouffe, ok? Alors, toi tu vas me dire que dans ton couple c'est ta femme qui porte le pantalon et qui commande. Non. De toute manière, c'est les deux qui. Toi t'es un homme de vie. Non. Attends, tu permets, c'est les deux qui travaillent. Ouais, donc les deux sont là pour épauler. Ok, le premier qui rentre ramène le pain, et ainsi de suite, ok? Bah tu ramènes quand même plus de pain à la maison que ta femme quand même. Non mais ça veut dire... Donc c'est toi qui portes le pantalon, c'est toi l'homme, c'est normal. Ouais non mais même, je vois pas du tout le rapport... mais je vois pas pourquoi que tout de suite on va s'en prendre sur les nanas, alors que nous c'est pareil, on fait autant d'heures qu'elle. J'ai vu... Non, mais moi je te coupe. Ouais. Hein. On peut entendre quelle, donc c'est plus la peine qu'on revienne sur ta question. Attends, je voulais juste rajouter que c'est normal, les gonzesses, vu leurs jambes, on préfère qu'elles mettent des pantalons, parce que si elles mettent des jupes avec les guibolles qu'elles ont, c'est pas la peine. Non mais attends, dans le bus, je veux dire une chose, t'as des machinistes nanas qui mettent des jupes. Ouais, hein. Elles sont touchées. Et même, je veux dire une chose, attends, moi je vais te dire encore autre chose, je vais encore aller plus loin que toi. Moi j'ai déjà vu des nanas qui tiraient des palettes d'une tonne dans un SMI. Ok. Non mais attends, Gérard. Alors dans ces cas-là, ta question, elle est claire, j'y ai répondu. Alors maintenant, c'est terminé. C'est pas la peine d'essayer de massacrer le dos des nanas. Parce que là, je vais te dire une chose, que t'auras tout faux avec moi. Mais je leur massacre pas. Non, mais moi, avec moi, t'auras tout faux. Donc, ta question, elle est claire, j'y ai répondu. Maintenant, ça y est, c'est terminé. Je suis content d'apprendre qu'il y a des bûcherons qui arrivent à tirer une tonne, quand même. Ouais, bah alors, des bouffons à ton merde, espèce de bouffon. Jean bouffon. Moi c'est tout le contraire en fait. Moi je reste chez moi bouffer à grignoter des cacahuètes en mettant la télé. Ouais. Et en écoutant Fun. Et puis c'est ma femme qui va bosser quoi. Non mais attends. Elle me ramène le journal, elle m'amène le pain, elle m'amène tout. T'as quel âge? Ah, je peux pas te le dire. T'as 27 ans. Et ta nana, elle a quel âge? Elle a 26. T'as 26. Ouais. Alors toi qui as un an de plus qu'elle, ouais. c'est toi, tu restes à te la pavaner, c'est elle qui travaille. T'es vraiment un dégueulasse. T'es un dégueulasse. Autant que ça soit elle qui fasse le trottoir, hein. Bah, c'est clair. Ouais, ben, dans ce cas-là, il a qu'à y aller. Gérard, il y a quand même un truc sur Minitel, et je vais le lire pour plus qu'il mette ce message-là, ça vient de Max le Belge, faut qu'il arrête. Il me dit, GG, il tire une tonne, entre parenthèses, Sandy. Donc c'est pour montrer que ces messages-là, on n'en veut plus, voilà. Ok. Merci beaucoup à tous. Ouais, ben... Arrêtez avec ça. Je crois que le Minitel, tu vas pouvoir l'arrêter, parce que si c'est pour entendre des conneries sur Sandy, c'est pas la peine. Justement, autant qu'il l'arrête. Non, mais autant qu'il l'arrête, ça vaudra peut-être mieux. Rigaud. Donc, beaucoup de questions IRC, mais beaucoup sur Sandy, donc je ne les lirai pas. Ouais, ben ça, c'est pas la peine. Et il y a Yankee qui te demande, les nanas qui sont autres sont quoi? Alors, je voudrais bien qu'il précise sa question, parce que autre, ça veut dire quoi? Bah c'est toi tout à l'heure, t'as dit nanas ou autres. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs nanas qui ont des travails ou autres. Taxi donc, ou autre, il me dit. Taxi oui, ou autre. Bon, ça peut être chauffeur de taxi, routier, infirmière, ambulancière, gardien de la paix. Qu'est-ce qu'il y a encore comme boulot? Il y en a pas mal, hein. Mm-hmm. Même, je crois qu'il y a même des nanas qui sont batteuses aussi. J'ai vu, c'est vendredi soir, j'ai vu un reportage sur ta chaîne. Le groupe, la nana, je sais plus comment ça s'appelait. Je sais plus son nom, enfin, bref, façon. Il y a même des nanas de Gigi. Gigi. Ouais, je sais. Donc, tout le monde a répondu. Donc, on va passer à la quatrième. Ah, j'ai un petit sondage, Gérard, quand même, sur la communauté Internet. Alors, 25% des internautes passent 35 heures par semaine sur l'IRC Fun Radio. 18% des internautes n'ont pas le temps de passer 35 heures à écouter des débats débiles. Et 24% des internautes n'ont pas assez de 35 heures pour faire le tour de Sandy en mobylette. Non. Moi, j'avais pas vu. Ouais, ben, c'est rien. Tu peux donner la position à 1h05, s'il te plaît. Couché. Toi, bébé Rose, t'as fait quoi? J'ai rien dit, moi. Attention à celui qui s'amuse à dire des conneries comme position ça. Position du léopard. 7012. Oh là là. Joli. Hein? 7012. Joli. 7012? Ok. Et donc, quatrième question, pensez-vous que les sportifs pratiquent les 35 heures? Et on va s'écouter le dermato de GG avec les exploses, les petits de mon derrière. C'est quoi ça? Bah, c'est un titre. Le dermato de GG avec explose, les petites. Les pépites. Les pépites de mon dernière en feu. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite des débats des 35 heures. Sur Fun Radio, bien sûr, 101.9. Et voilà, de retour sur Fun Radio, donc la suite des débats avec Gérard. Donc Apolline qui est au standard, qui va essayer de faire du travail correctement, parce que sinon, ça sera pas la peine qu'elle reste. Mais je vais bien le faire, Gigi, t'inquiète. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000, et Manu toujours à la REA. Donc, et puis toujours sur le site internet www.fr. .fr Fun Radio. C'est ça. Et ouais, Rigo, on y va. Et Rigo qui vous y accueille. Donc, une petite parenthèse, j'ai oublié de signaler dimanche lors des conseils. Michael, que vous avez, Seb, que vous avez reçu une fois que vous avez été chercher sur les Champs-Élysées. Oui. Donc, c'était son anniversaire. Donc, à Michael, je te souhaite un bon anniversaire de la part de Gérard et Sandy que tu étais venu voir une fois à la maison. Voilà. Donc, pour ça, je ne sais pas qui c'est qu'on raccueille. Si je peux avoir une liste potable quelque part. Eh ben voilà. Qui a pas fait son taf. Ben ouais, mais. C'est pas moi, Gérard. C'est pas grave, les auditeurs, ils vont se présenter tout seuls. Donc, qui c'est qu'on accueille Gérard, sur IRC, il y a Michael, il dit c'est pas aujourd'hui son anniversaire. Non, non, mais c'est pas Michael, je me suis trompé, c'était Seb. Allez, Gérard, on y va. Alors, qui c'est qu'on accueille là? Alors, il y a Petite Rondelle, j'appelle de la France entière. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à toi, Petite Rondelle. Bonsoir l'équipe, bonsoir les auditeurs. Voilà. Après, Pierre Citron. Pince à linge, j'appelle de chez moi. Alors, Pince à linge, ouais, toujours là. Oui. Ok, Pince à linge. Après? Oui, moi c'est Boudgrand. Non, encore. Je suis très ému de t'avoir au téléphone, Gérard, je voulais te le dire. Ouais, ben, ça me fait une belle jambe. Et qui c'est derrière? Jean Bouffon, toujours fidèle. Encore? Ouais. Bah oui. Il oui. semblait que... Non, j'ai pas fait de... Non, j'ai pas débordé, là, c'est... Tranquille, tranquille. Ah, il était heureux. Alors, la question... Tranquille. Allez, donc, Gégé, on y va. Alors, la question, c'est, pensez-vous que les sportifs pratiquent les 35 heures? Donc, pour ça, on va demander à Petite Rondelle. Ouais, ben bah, écoute, il y a les marathoniens, à part eux, je vois pas, hein. Non, mais les sportifs, en général. Ah bah les sportifs en général, non. Autres, oui. Mais voilà, à part ça, non, les marathoniens, c'est tout. Hein. Je vois pas de sport qui requiert une durée. Si non, mais attends, les marathoniens, ils font pas 35 heures quand même. Arrête, arrête de dire des conneries, là. Bah, attends, d'après toi, il faut combien de temps pour balancer un javelot ou pour sauter trois pauvres... Eh, c'est pareil, il faut pas 35 heures. Les marathoniens, c'est les marabouts, les mecs, vous êtes... Non. Les marabouts, là, Manu, tu mélanges tout, merde. Non, bon, c'est bon, arrêtez de dire des conneries, là. Voilà. Pince à linge. Ouais. Est-ce que tu as déjà vu un sportif courir pendant 35 heures, Gérard? Ah, bah voilà, c'est là la question que je voulais savoir personnellement. Pince à linge. Oui. Attendez, s'il vous plaît, derrière. Bout de base, Arrêtez. Merci. Donc, je réponds à Pince à linge, si on pouvait me laisser Pince à linge. Je suis là. Donc, moi, je peux te dire une chose. Souviens-toi. Hey, regarde, il y en a bien qui pourront. Souviens-toi du vase de Soissons. Je veux pas savoir qui c'est, tu me laisses ça au hasard. La semaine prochaine, on fait la grosse tête. Allez, hop, terminé. Donc, Pince à linge. Donc, regarde, quand c'est le truc du Téléthon, il court quand même pendant. Myopathe. Pendant 24 heures ou 48 t'as heures. Un myopathe courir pendant. Non, mais il y a des sportifs, il y a des grands sportifs qui courent pendant tout le temps de l'émission, jour et nuit. Je suis d'accord avec toi. Ah bon, ben, dans ces cas-là, t'auras qu'à suivre cette année le Téléthon et tu verras que t'as des sportifs qui le font jusqu'à la fin de l'émission, jusqu'à 2h du matin. Ils commencent le vendredi soir, ils partent à 18h30 et ils reviennent que le dimanche soir, une fois que le Téléthon est terminé. Alors là, mais dans mes papiers, j'ai retrouvé ton bac. Eh oh, voilà. Ça y est, ouais, là. Vous avez fini de faire vos conneries, là? On est là, Gérard. Merci. Rigo. Oui, Gérard, il y a Snooze qui te demande si... est-ce que tu considères que dormir, c'est un sport? Non. Parce qu'il est persuadé que tu dors au moins 35 heures par semaine. Toi. Non, mais il y en a qui font du sport en chambre. Fildar, si ça te dérange pas, au lieu de jouer au ballon dans le couloir, tu peux fermer la porte. Gérard, il a dû faire la route du Rhum. Hein? Merci. Et Gérard, sinon il y a des B1 sur l'IRC, ils te demandent comment vont faire les acteurs de films porno pour avoir une érection de 35 heures. Ouais, c'est une bonne question. Mais ça y est là, vous avez fini de jouer au ballon là ou quoi? Vas-y Ronaldo. Vous jouez au ballon de l'autre côté là, mais pas dans les studios là. Vas-y, on fait une tomate. Ah, c'est pas un terrain de foot ici, hein. Ah, c'est bon. 1-0. Bout de bras. Bah, moi, écoute Gérard, je suis tellement ému que je sais pas trop quoi répondre à ta question. Parce que c'est mon premier débat avec toi et je sais pas, je fais pas de sport moi et je 35 ans, je sais pas, je travaille pas. Voilà. Il y a des gens qui sont pas sportifs, c'est tout, il a le droit. Oui. Je pense que. Moi, je sais pas trop, Gérard. Ouais. Il est un peu efféminé, à part dans les douches des vestiaires. Jean Bouffon. Ouais. Il y a les 35 heures du Mans. Non, c'est les 24 heures. Ah, excusez-moi. Sinon, bah ouais, il y a aussi l'espèce de marathon, là, les gamins qui courent avec une banane enflammée. Là. La route du Rhum. Voilà, voilà. Gérard, ça fait la route du Rhum. Non, c'est pas la route du Rhum. La route du Rhum. C'est quoi, là? C'est ce monde que vous me prenez, là. Et qu'est-ce que je voulais dire, Gérard? Justement, j'ai entendu tout à l'heure que vous parliez des 24 heures du Mans. Est-ce que justement ils vont les mettre aussi aux 35 heures puisque on a tout dit, va pas mais non, ils font que 24 heures, ils vont pas faire 35 heures. Mais arrête tes conneries. Mais pourquoi? Mais il y a pas des pourquoi et c'est tout. Tu vas pas me prendre la tête avec tes pourquoi et tes comment et ceci cela. Bon Gérard, pour calmer, on peut-être une petite question des sondages. Oui, on va faire comme tout le monde a répondu avant qu'on pose la cinquième. Alors donc d'après vous, pourquoi les 35 heures? Alors 42% des gens savent pourquoi. Donc je voudrais bien savoir parce que là je vois pas du tout. Parce que, d'après vous, pourquoi les 35 heures? 42% des gens savent pourquoi. Mais alors, pourquoi, quoi? Pourquoi les 35 heures, mais pourquoi, quoi? Pourquoi? Parce qu'en bref... On va demander à Apolline, hein, c'est le cas. 23% des gens ne peuvent pas le dire, ça. C'est vrai que... Pourquoi? C'est vrai que on aurait mieux fait de rester aux 39 heures, ça aurait été mieux. 15% ont aucune idée, ça... Moi, c'est pareil, moi, je vois pas pourquoi le gouvernement a voté les 35 heures. Et 9% ont le droit de savoir. Mais de savoir quoi? Apolline, s'il te plaît! Viens voir, là! Tu vas m'expliquer l'histoire de ton sondage, là! Alors, la cinquième question, est-ce que les pays étrangers ont accepté les 35 heures? Elle pousse une crotte, là. Elle est partie débourrée? Ah bah d'accord! Ah bah c'est pas mal! Gérard! Alors, est-ce que les pays étrangers... T'es un petit cochon, hein. Est-ce que les pays ont... Est-ce que les pays étrangers... Petit cochon! Attends, tu l'es, connard! Allez, terminé pour lui. Ouais, j'ai l'arté, il est là. Attends, parce que là... Fildar, tu veux essayer de dire... Non, je veux pas le savoir. Tu me gères celui qui dit des conneries. Maintenant, ouais. Ça va aller vite. Et tu es vite fait parce que... Regarde, sinon, il est là. Non, il est pas là. Hein. Alors, tu vas perdre ton boulot vite fait, bien fait, toi, maintenant. Arrête. Alors, est-ce que les pays étrangers ont accepté les 35 heures? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Alors, qui Jean Bouffon, je peux répondre. Qui? Jean Bouffon, je peux répondre. Ouais, bah moi je pense qu'en fait que c'est les pays qui sont européens. Parce que savoir. Pas de l'euro. Mais si, c'est complètement dans le tas là. L'euro, c'est mais non. Histoire. Mais c'est la même affaire, je te dis. Mais non. Oh, GG. GG. Vous parlez pas dessus, les auditeurs, en fait, s'il vous plaît. En fait, je vous explique, en fait, la loi des 35 heures a été votée en même temps que l'euro, ce qui fait. Non. Attends, Jean Bouffon, faut me calmer les autres un peu maintenant. Jean Bouffon. Ouais. Bon, moi, je peux te dire une chose, que les 35 heures n'ont pas été votées en même temps que l'euro, c'est faux. L'euro a été voté fin 98. Les 35 heures ont été votées bien avant. Non. Si. Je suis pas d'accord. Si. Non, mais il n'y a pas de c'est faux. J'ai mon nom qui travaille au gouvernement. Je suis pas d'accord. Ouais, c'est ça. Alors, ton nom qui travaille au gouvernement, tu t'appelles comment? Ah, je vais pas donner mon nom, je suis pas cinglé, je vais pas. Non, mais tu t'appelles comment ton surnom? Bon, dehors, Jospin. Allez, hop, tu me vires celui qui a. Hop, tu me le vires celui-là. Bon, Gérard. On prend quelqu'un d'autre. Sur IRC, il y a plein de questions, vu qu'on on est à 7748. Quand même. T'arrêtes pas de noter, comme dirait l'autre. Et il y a Ice-T qui te demande s'ils vont enfin inventer des déodorants qui durent 35 heures pour toi, parce que là, ça fouette jusqu'à chez lui. Bon, bah ça, si ça il plaît pas, il laisse son minitel. Tu m'as dit 7418, hein. Ouais. Voilà, ok. Bout de gras. Ouais. Moi, ma mère, c'est Edith Cresson, et je peux dire qu'elle va te faire bosser. Alors, hop. Alors, bout de gras, terminé pour toi. Au revoir. Terminé pour toi. Salut. Pas du pétard à guigou. Pince à linge. Ouais, Gérard. Donc, pour toi? Bah, en fait, dans tous les autres pays, ils bossent plus de 35 heures. Il n'y a qu'en France où on bosse le moins. Non, mais la question, c'est est-ce que les pays étrangers ont accepté les 35 heures? Je te dis non. Donc, parce que tu penses que toi, dans les autres pays, ils bossent plus que 35 heures, c'est ça? Bah exactement, en Allemagne, ils bossent 42 heures, en Italie, ils bossent 45 heures. Ouais, non, mais attends, parce que j'étais en Allemagne avec un routier. Oui, non, mais attends, c'est attends. En Allemagne que t'as vécu en Allemagne que tu sais. Non, mais attends, pas sonnage. Moi, je vais dire une chose, que le mec, il devait vider à midi, il arrivait à 11h30, à midi moins le quart, les mecs, ils arrêtaient pour aller casser la croûte quand même. Gérard. Et ils ont repris, il était 2h, et à 3h, ils arrêtaient. Gérard. Donc ça pas fait que pas 35 heures. Dans la vie. Non, mais je te parle de l'usine où on était en Allemagne. Hein? Gérard. Oui. À la place de Jean Bouffon, On accueille Trombone qui pue. Bonsoir. Non, non, mais attends. C'est pas le même, écoute. Ouais, non, mais t'amuses pas. Il est là, regarde. Ouais, ouais. Allô. T'amuses pas. Bonsoir, Trombone. Bonsoir. T'amuses pas à changer les noms, hein. Trombone qui pue, 24 ans de la Baule. Voilà, la fréquence c'est 107.4. Voilà. Ouais. Et bonsoir à toi. Hein. Bonsoir à toi. Et à la place de Boudra, on a qui? Ah, j'ai pas encore trouvé, attends deux secondes. Donc Boudra, c'est terminé pour lui. Bon. Réponds, GG. Petite rondelle. Ouais, donc petite rondelle. Bah écoute, moi je pense que c'est pas partout pareil, parce que moi j'ai un pote qui est fossoyeur en Pologne, et il travaille largement plus que 35 heures. Parce qu'il faut savoir que quand même là-bas, la terre elle est gelée. Donc quand il faut faire un trou pour balancer un mec dedans, c'est pas évident, ça prend du temps. Mmh. On travaille largement plus que 35 heures. Je veux dire, il y a des métiers comme ça. J'ai un pote aussi qui est tueur à gages en Ouzbékistan. C'est pareil, hein, quand il s'agit de faire exploser une grosse... Petite rondelle, c'est terminé. Ça t'apprendra à vouloir dire des conneries parce que je commence à en avoir ras-le-bol. Gérard, je vais pas en trouver 40 des auditeurs. Non, je veux pas le savoir. Il n'a rien dit, Gérard. Je raconte mon expérience personnelle. Ouais, non, mais avec la grosse, je commence à en avoir ras-le-bol. Si. Non, mais je vois à peu près sur qui vous voulez préciser. Non, Trombone. Oui. Oh là là. Trombone. Alors moi, je pense que les 35 heures, c'est un truc de fainéant encore. Ouais. Non, mais je te demande, est-ce que les 35 heures, est-ce que les pays étrangers ont accepté les 35 heures? Non, les pays étrangers ne vont pas accepter parce qu'ils pensent que c'est un truc de fainéant. C'est que pour les gens en France, par exemple, ou les animateurs radio, les trucs comme ça. Bon, mais attends, les animateurs radio, ils font pas 35 heures, je pense pas. Ah non, on pas moins. C'est clair, deux par semaine. Moins, oula, il y a qu'à devoir. Ouais, ben peut-être, il y a qu'à me voir, moi je fais que 3 heures par semaine, d'accord? Ouais, ouais. Tu fais pas encore 35 heures? Non. Donc quand est-ce que tu te mets à aller faire tes 35 heures? Et alors, ça te regarde, non? Ouais, non, mais attends, pour 200 balles anti qui est resté, il va pas faire 35 heures non plus. Bon, alors attends, toi, tu vas te calmer parce que sinon tu vas dégager vite fait, toi. Hein. Gérard, excuse-moi, à la place de Bougras, on accueille Face de Ray, qui a 19 ans et qui habite à Lille. Je t'éclate, toi. Oui, bonsoir. Bonsoir, Gérard. Salut, ça va? Bonsoir. La fréquence de Lille? Oui, la fréquence de Lille, c'est 107.6. FM en mégahertz. Mm-hmm. Bonsoir alors, à tous. Donc, pour toi, la question. Écoute, je viens d'arriver. Tu peux me répéter, s'il te plaît. Alors, donc, est-ce que les pays étrangers ont accepté les 35 heures? Ça sera la dernière fois que je répète la question. Oui, je pense, effectivement, oui. Oui, je pense. Tous les pays confondus, je pense, oui. Tout à fait. Parce que ça les arrange, en fait. Ouais, mais ça, c'est vrai que... Non, mais je pense que tous les pays, en fait, ont envie de travailler 35 heures, donc je pense que c'est une chose qui est acquise. Ouais, mais faut préciser, parce qu'il y a une question que je me pose, et ça, je pense que tous les auditeurs que j'ai là, je pense que vous, c'est pareil. Mmh. Travailler 35 heures... Non, s'il vous plaît. Non, mais c'est pas pareil, hein. Il y a rien de comparable entre toi et moi, c'est qui ça. Pedro. Il n'y a rien de comparable. Non, il n'y a pas de Pedro. Il n'y a pas de Pedro ici. J'ai un pote à Polo, là. Je suis à France. Non. Il n'y a pas de Polo. Il n'y a pas de Polo. Tu fermes ta gueule. Gérard. Il y a Pedro maintenant à sa place. Gérard, sur IRC, il y a Roadrunner qui te demande si tu pourrais encore faire un débat sur les 35 heures la semaine prochaine pour qu'on est sûr d'avoir tout compris. Non. Je ne referai plus de débat sur les 35 heures parce qu'apparemment, vous m'avez trouvé que des auditeurs de merde. Manu. Est-ce que tu pourrais baisser un peu la lumière, parce que j'aimerais dormir un peu. Non, Fildar. Quoi? Fildar, ton boulot, t'es payé. Bon, alors moi j'arrête, c'est tout. Non, mais pas trop. Non, mais remets de la lumière. Remets de la lumière quand même, Manu. Un peu. Voilà. Non, mais un peu plus, Manu. Un peu moins. Non, un peu moins. Attends. Et attends, tu vas y arriver. Bon, ouais. Toi là-bas. Mais je peux pas dormir avec de la lumière. Non, toi t'es payé. T'es pas payé à dormir. T'es payé à tous les gens standards. D'accord? Pas, non. D'accord? Non, attends. Non, t'es payé. Alors tu dégages. Mais non! Gérard, le tapin! Arrête! Dégage, je te veux plus! Viens ici, va t'asseoir! Hop, dégage! Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais non, monsieur Spavane sur les fauteuils, monsieur veut rien foutre! Alors il dégage! Hop, terminé pour lui! Ouais, mais enfin, tu veux plus d'Apolline, tu veux pas être Fildar, tu veux qui? Non, lui il dégage! Ah bah, Apolline, elle a trop peur là, elle est là-bas depuis tout à l'heure, par contre, elle a fait caca parce qu'elle se vide! Toi, tu dégages. Mais non, mais je vais tenir le coup. Non, un café. Non, je vais pas te savoir. Je vais prendre un petit café, ça va aller. Qui c'est? Ouais. Non, mais si, je peux pas passer. Non, je pourrais pas demain. Reviens! Oh! Reviens! Je peux pas. Je peux pas, maman. Gérard! Oui, Gérard. Tu me gères celui-là vite fait. Ça y est, je l'ai cuté. Là, il y en a ras-le-bol. De toute manière, ça va être la fin des 35 heures parce que je leur ferai plus du tout ce débat. Hey, donc, pourquoi ce débat il bétonne? Rigo, on est combien sur internet? On a dépassé les 8000, on est. Putain, Gérard! Joli! Combien? 8037. 8133. Ça a monté 8143. Ouais, encore encore dans la suite. Vas-y, bande. 8322. Oh non, c'est le Viagra. Non, mais. 8322, Internet, c'est le Viagra, Zira. Vas-y, vas-y, là. 8456. Oh là là. Non, mais j'ai le temps de dormir, là. On est redescendu un peu, là. 8235. Oh là là. Bah, il y a tellement de monde qui rentre et qui descend que là, donc, on est à 8672. C'est un peu comme chez Gérard, ça vient. Ça vient, alors, quoi ça vient de là-bas. Non, ça vient de là-bas. Mais non, mais ça vient de là. C'est là-bas, ça vient de là. Non. Donc, dernière question et après, on va passer au débat sur les régimes. 8846, ça a encore monté. Non, mais. 8846. Non, bah, de toute manière, on va terminer là-dessus et ça va être terminé sur les 35 heures. Non, bah, attends, il y a encore les. Ouais, il y a encore deux sondages. Donc, c'est pas parce qu'Apolline n'est pas là qu'on peut faire. Alors, 35 heures, c'est bien, mais peut-on en faire mieux? Alors, il y a 45% des gens qui pensent que oui. 33% pensent que si ça continue, on ne travaillera plus, ça c'est vrai. C'est vrai. Et 25% des gens pensent que ça fait encore trop de travail. Alors là, je comprends pas, parce que ça pense si, que ça fait... Ils estiment que 35 heures, c'est trop. C'est encore trop. Ouais, mais 10% aimeraient ne travailler que 3 heures par semaine. Donc ça fait illusion à moi, donc ça m'intéresse pas. Et la dernière, avec des propositions à faire au gouvernement. Alors 34% veulent plus de beurre dans leur jambon beurre, alors là je vois pas du tout. 31% veulent des bébés à rien glander. Et 24% veulent que je chie sur la table. Alors là, c'est de la merde. C'est de la merde ce sondage. Apolline, putain. Donc, dernière question. Comment se passe une journée de 35 heures? Et ça sera la conclusion juste derrière avant d'attaquer le débat sur les régimes. Et pour ça, on demande à Pince à linge. Comment se passe une journée de 35 heures? Oui. Eh ben déjà, tu te lèves le matin. Si possible, tu te laves. Mmh. Si t'es gras, tu te laves pas. Mmh. Après, tu déjeunes, puis après, tu vas travailler. Mmh. À midi, tu fais une pause, tu manges. Tu vas faire un petit caca, tu fumes une clope. Tu reprends à 2 heures. Tu reprends à 18 heures, tu rentres chez toi. Tu bois un coup, tu frappes ta femme. Pince à linge. Là, je vais te dire une chose que tu vas un peu loin là quand même. Hein. T'as pas sur une nana quand tu rentres à 18h, tu fais fort. Tu peux attendre 20h. Tu peux le faire avant. Tu peux attendre 20h. Attends, 5 minutes, Pince à linge. Oui, sur IRC, il y a Gotips qui aimerait bien que tu lui précises qu'il n'est pas en train d'écouter la DAT du débat de la semaine dernière. Ah, on est bien en direct, Gérard. Bah, voilà. Je crois qu'on est en train de mettre une dame. Celui de la semaine dernière. Mais non, mais c'est pas le débat de la semaine dernière, c'est celui de cette semaine, sauf que. Dis, on est en direct. Sauf qu'on est en direct toujours sur Bonne radio. Il est 1h31. Ouais. Et donc. On est en direct, là. Eh oui. Bah oui, on est en direct, abruti. Occupe-toi du standard. Non, mais on est pas différé. Occupe-toi du standard. Bon, les mecs, on est en direct. Alors, passe à linge. Passe à linge. Je ne connais pas, mais dans le courrier ce matin, j'ai reçu ta carte d'identité. Alors toi, t'as une sale gueule. Attends, qui c'est qui vient de dire ça? Bon, c'est pas moi, Gérard. Non, mais je viens de poser une question à Pince à linge, l'autre qui me sort ma carte d'identité. Bon, Ah, mais putain, oui, il m'avait eu. C'est Bougras, il était revenu à l'antenne, j'ai jarté. Non, mais attends. Non, mais je vais le gérer, t'inquiète. T'inquiète, je vais l'avoir. Ouais, mais vite fait. Ligne, là, ouais. Donc, tu m'as. Ah ouais, Pince à linge, tu m'avais répondu. Bon, je continue, j'ai pas fini, hein, j'étais au Big Bill. Tu tapais ta femme, non? Tu regardes le Big Bill, tu manges un peu, tu veux une petite branlette, petit caca. Ouais. Après, tu vas dormir. Donc, les 18 heures qui te restent. Parce que, évidemment, t'es chômeur, tu travailles pas, donc t'as beaucoup de temps pour toi. Ouais. Et puis, bah voilà, tu te relèves le lendemain matin, puis tu recommences. Ok. Face dorée. Ouais, bah tu te lèves le matin, tu as la gaule, donc tu vas pisser un bon coup dans les toilettes. Ouais, bah bien sûr, tu vas reprendre les mêmes questions que Pince à linge. C'est à peu près le même truc, moi je fais ouais, bah alors matin, dans ces cas-là, t'essayes de réfléchir à la question, et je te reprends après. Rigo. Oui, Gérard, il y a Snooze qui te pose la même question que la semaine dernière, vu que c'est le même débat, il te demande s'il doit acheter une montre de 35 heures à la place de celle de 12. Mais sur un cadran, ça fait 24 heures, ça fait pas 35 heures. Alors, 12 heures, ça fait un cadran. Ouais, ben t'as 12 et 12, ça fait 40, 24. 48. Ouais, c'est ça, 48, t'apprendras à compter, toi. Trombone. C'est faux. Oui, moi je suis un peu d'accord sur l'emploi du temps des autres. Faut commencer par se réveiller, ça c'est sûr. un super Jimmy. Et puis, le pipi du matin, c'est hyper important parce que sinon on peut pas faire les 35 heures sans ça. La douche, la douche. Ça dépend si c'est pour Gérard, non. La douche. Alors, je vais vous expliquer parce que Gérard prend sa douche le soir après le boulot, c'est plus intéressant. Bah oui. C'est plus intelligent. Avant de transpirer. Bah voilà. Ouais, mais il apprend sans eau et savon en fait. Mais ouais. Si, mais si. Alors, moi je vais vous dire une chose que je vous emmerde avec vos conneries de douche. Alors, toi, Fildart, t'es un pauvre con, tu feras mieux de ton travail. Mais merde, je leur dis, ta gueule, tu feras mieux de ton travail. En fait, Gérard, c'est un mime, en fait, il fait semblant de se laver. Voilà, terminé pour lui. Bah justement, à ce propos, il y a Isti qui dit même chose que la semaine dernière, Gérard, c'est 35 insultes toutes les 35 secondes et un slip propre toutes les 30, tous les 35 jours. Bon, qu'est-ce que je fais? Il est. Bon, allez hop, tiens, on va. Gérard, j'aimerais bien que tu me prennes le cul pendant 35 heures. Va te faire enculer. C'est justement ce qu'il veut, apparemment. Alors, d'après vous, les 35 heures sont-ils pour une semaine? Non, on va pas faire celle-là, ça va être la dernière parce que... dormira-t-on plus en faisant 35 heures? On va demander à Passanage. Ouais. Et ça sera la dernière question. Bah, c'est logique, tu vas te dormir plus au boulot quand tu vas faire 35 heures, surtout si t'es, fonctionnaire. Et donc eux, ils ont du pot déjà, ils peuvent dormir quand ils travaillent. Donc ouais, 35 heures en plus, c'est vachement intéressant, surtout qu'ils sont payés. Mmh. En heure sup. Ok. Et en euros. Ouais, mais justement, c'est ça que je voulais savoir. Savoir si les fiches de paye seront fait calculer selon... les payes seront-ils calculées selon les 35 heures ou pas en euros? Bah donc, non, ça c'est... dépend des pays. Mais non, non, mais justement, la question, je vais pas la poser parce qu'on va s'arrêter là, parce il y a quand même encore un débat. On pourra refaire la semaine prochaine. Non, il y aura pas de 35 heures la semaine prochaine. Bon, on finit le débat. On fait les 24. Passe de ré. Ouais. Moi, je pense effectivement tout à fait. Étant donné qu'on a 35 heures de travail, c'est sûr qu'on va dormir beaucoup plus. Mais tu peux très bien être payé quand tu dors, quoi. Tu peux avoir des sommeils payés en fait. Voilà. Ouais. C'est équivalent au congé en fait. Voilà. Trombone. Ouais, je crois qu'avec 35 heures de plus par semaine, on pourra dormir 35 heures de plus. S'il te plaît. Ouais. S'il te plaît. C'est bien, moi j'y. Juste un truc, attends 2 secondes. Ouais. Attends. Ok, vas-y. Non. Et pourquoi? Bon, ok, alors trombone, je crois que ça va être terminé pour toi. Trombone. Qu'est-ce qu'il fait encore là, lui? Ah bah attends, j'ai rien dit, moi. Non, c'était attends, bout de gras. Il me semble... Non, c'était bout de gras, j'ai... Je t'avais dit de virer petite rondelle tout à l'heure. Mais non, c'était pas moi, tu comprends. Non, c'est pas vrai. Non, c'était bout de gras que j'ai viré. Voilà. Alors, petite rondelle pour... Moi, je dis que si les gens, notamment pince à linge, ils en ont marre de dormir, moi, je peux leur proposer autre chose. S'il y a 11 heures de rab, on peut toujours s'occuper, quoi. Pas de problème. Ok. Bon, on va gérer ça. Je suis très ouverte, hein, comme fille. Il n'y a pas de problème. Bon, alors, dernière question. T'as de la crème? Ouais, j'ai de la pommade. D'accord. Et du gravier. Bon, ça y est, vous réglerez vos... Du papier de verre. T'as des verres? Ouais, bon, tu les mets hors antenne, ils vont régler leur petite popote après, ils s'échangeront leur numéro. Donc, alors, les pays seront-ils calculés selon les 35 heures ou pas en euros? Voilà, et ça sera la dernière question. Comme ça, on aura fait le thème des 35 heures et j'y reviendrai plus dessus. Petite rondelle. C'est fou, hein? Oui, Gérard. Ouais, écoute, petite rondelle, donc moi je veux pas me faire chier, je vais faire la même que la semaine dernière. Je te trouve bien gonflé de faire un débat sur les 35 heures, tu fais 3 pauses heures de taf par semaine. Et à part ça, à part 35 heures de curetage anal ou de picole, ben voilà, je sais pas trop ce que tu connais, quoi. Alors, dans ce cas-là, petite rondelle. C'est pas la conclusion, petite rondelle. Petite rondelle. Non, mais c'est bien, tu viens de perdre ta conclusion. Non, c'est terminé, salut. Alors, passe à linge. Gérard. Oui, je vais remercier, il y a... Pince à linge, excuse-moi. Il y a Miss Lover qui dit que en Suisse c'est 45 heures par semaine. Et s'ils passent aux 35 heures, ils auront plus de chômage. Oh la merde. Ils seront obligés d'embaucher. Non mais justement. Oh la merde. C'est la catastrophe ça. Hein. Bah ouais. Truc de ouf. Non mais justement. La merde. Putain, bon, catastrophique. Ouais. Éteins ton micro toi et ça vaudra mieux. Non mais c'est la merde pour les Suisses. Éteins ton micro. C'est dingue. Catastrophe. Éteins ton micro, ça vaudra mieux, d'accord. Ça me révolte. Donc pince à linge. Pince à linge. J'étais en antenne. Alors, les payes seront-ils calculés selon les 35 heures ou pas en euros? Bizarre, tu fermes ton micro et tu fermes ta gueule! Ça sera calculé en euros. C'est une catastrophe, non? À 6 francs 35 de l'euro de l'heure. L'euro, il n'est pas à 6 francs 35, il est à 6,55,97. Oui, non, mais je te dis que l'heure de l'euro, ce sera à 6 francs 50 de l'heure. Ouais, ben, ça m'étonnerait. Bah, écoute, moi je te le dis. Ok. Tu verras. Face de ré. Oui, les payes sont calculées en euros, effectivement, dès que l'euro sera mis en place en France. Non, non, mais de toute manière, c'est déjà calculé. C'est, ils ont déjà voté. Tout à fait. Ça a été déjà voté depuis le début de l'année. Oui, tout à fait, oui. Donc, pour terminer, trombone. Les 35 heures en euros, moi je dis oui. Mais on sait bien dans d'autres pays, parce que si tu es 35 heures en France, en euros, ça ferait 15 heures en euros. Mmh. Donc là, ça sera bien, on pourra travailler encore moins si tu vas dans un autre pays où tu es payé en euros. Tu ne pourras travailler que 15 heures parce que ça fera 35 heures français. Bon, ben ok. Ouais, okay. Bah, moi, je pense que les fiches de paye, de toute manière, maintenant, on peut voir combien que ça prend en euros. Donc là-dessus, même que tu passes plus de 35 heures ou pas, de toute manière, les heures supplémentaires, on ne sait pas si comment que ça sera calculé ni rien du tout. Donc voilà ce que je pouvais préciser d'autre. Rigaud, une dernière question IRC. Alors, une dernière question avant la conclusion. Alors, on va essayer de te trouver ça. Parce que là, ils en sont tous à la conclusion, ils anticipent vachement, quoi. Ah bah, on fait conclusion, alors c'est parti. Mais sinon, attends, il y a un petit sondage, c'est Davy One qui m'envoie un sondage IRC en raison d'une grève des internautes pour protester contre les 35 heures, le sondage ne nous est pas parvenu. Oh merde ! Ouais, c'est vrai ça, que... Ça, c'est con, ça. Merde ! Wow ! Catastrophe ! Merde ! Ça va catastrophique. Aller. Non, mais c'est vrai qu'à un moment donné, vous avez eu des problèmes aussi avec l'Internet. C'est des feignasses, ouais. Les internautes. Mais grave. Bah ouais, mais ils en branlent pas une, c'est des nazes. Attends, 35 heures ? Ça va être un bordel. Entre les routiers, laisse tomber le bordel. Oh là là, surtout les routiers. Oh, les feignasses. Ouais, ouais, bah, les routiers sont moins cons que vous ou deux. C'est hein. Ouf. Oh, les feignasses. Alors, pince à linge, conclusion. Ouais, Gérard, je me souviens plus trop de ce que je t'avais dit la semaine dernière. Donc, je vais dire comme mon copain Goldo, quand on n'en branle pas une, on n'a pas de débat à faire sur les 35 heures. Ah, d'accord, vous avez repris les mêmes que la semaine dernière, bande de PD. Bravo! Mais non! T'as pas compris ce qu'elle a dit, Gérard. Si, si. Ouais, je crois que t'as pas compris ce que je t'ai dit, Gérard. Vas-y. Non, je te répète pas. Eh ben, tant mieux. Eh ben, dans ce cas-là, je te laisse. Au revoir. Bisous. Ouais, salut, passe de ré. Ouais, Gérard, c'est passe de ré. Moi, je voulais dire que ton débat, il était nul comme d'hab, quoi. Ouais. Et sans qu'une tête comme toi, et ça changera pas, quoi. Donc, c'est de la merde. Eh ben, dans ce cas-là. Je salue bien bas ta grosse. Eh ben, ma grosse, ça t'emmerde, non, espèce non, de non, pédé. Non, pas ça, pas ça. Alors là, lui, tu déjà, me... direct. Non, non, tu me les gardes en antenne, je vais m'occuper de son matricule. Là, d'accord. Trombone. Ok, 35 heures, c'est hyper important, et que pour bien approfondir le sujet, il faudrait qu'on fasse 35 heures de débat dessus. Ouais, mais tu vois, on peut en bouffer du débat de 35 heures pendant les 3 prochains mois. Ouais, ben, ça m'étonnerait. Non, ce qu'on peut faire, c'est par exemple, d'ici un mois ou deux, voir si ça a évolué. Ouais. Non, on va pas même d'ici une semaine, hein. Ça non, peut non. Changer. Ouais, peut-être que jeudi prochain, ça va évoluer. Il y a 35 heures de débat, tu vois. Non, la semaine prochaine, je vais voir encore après. Je pense que la semaine prochaine, l'équipe va encore changer. Parce que ça commence à bien faire travailler avec deux nazes. Alors, conclusion. Attends, j'ai plein de conclusions sur l'IRC. Il y a Jupiler qui dit conclusion, les 35 heures, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Mm-hmm. Mm-hmm. Y a une conclusion de Yankee qui a croisé Davy One qui a eu Turpentine au téléphone qui lui a dit que ton débat il avait ni queue ni tête comme toi. Ouais, ça j'en ai rien à foutre. Voilà. Et que penses-tu de la décision du gouvernement à propos des 35 heures? C'est Belge Boris qui dit ça. 52% pensent qu'ils auraient dû y réfléchir plus de 35 heures. 15% ne pensent plus depuis 35 heures. 32% pensent que GG aurait dû faire un troisième débat pendant 35 heures. Et 105% pensent que Suren est en Belgique. Non bon ben c'est nouveau ça, je savais pas. C'est à cause des grosses saucisses. Non mais Et sinon il y a Manu, tu prends mieux de t'occuper de ton bébé rose que d'insulter Sandy, d'accord? Ouais. Alors un conseil que je... Non ça c'est mon bouc. Non pas mon le cahier, pas le cahier. Non mais je parlais pas. Un conseil que je te donne Manu, fais gaffe à ce que tu dis maintenant. Non mais je voulais juste dire aux internautes, oui vous pouvez rallumer la radio maintenant, c'est fini, il y aura un disque. Ah. Alors donc combien qu'on est là sur le système de débat? Alors combien qu'on est sur ce thème de débat? On est 8956. Oh 8556. 8975. Ouais. Ok. Donc alors la conclusion, c'est que vous avez foutu de la merde tous les deux, comme d'habitude. Vous êtes deux espèces de petits cons. Qui fout que votre merde, toi, si t'as envie de dormir, tu dégages des studios, c'est pas la peine de pavaner sur une chaise alors non, que je te demande de virer les gens. Ok. En de bon entendeur, salut. Donc le deuxième débat, c'est toi qui es à l'AREA, c'est que tu me fous une merde, t'as un bouquin dans ta gueule. D'accord. Donc gare à toi. D'accord. Alors, deuxième débat qui va porter sur les régimes, Donc on se retrouve juste après. On va s'écouter la les putes. Alors ça, quand vous m'écrirez ça comme il faut, les Lilliputs de Puto avec la monnaie en euros. Et on se retrouve juste après pour la suite des débats sur Fun Radio. À tout de suite.